Thank you.

Yeah, she is. Thank you. Thank you. Putain, je m'entends pas avec ces guitares. C'est bizarre ce son.